Liberté de l'illusion, Daniel Kemp. En commençant. La réalité de l'illusion. Un titre suspect. De par définition, une illusion est quelque chose qui n'est pas réel. De par définition, une réalité est quelque chose qui n'est pas une illusion. Et on parlait ce soir de la réalité de l'illusion. Ah, je me suis enfergé, merci. Bon. Lorsque j'étais jeune, j'aimais faire un paquet de choses que les adultes appellent des conneries, mais que moi j'appelais m'éduquer. Alors je m'éduquais aux dépens des adultes, et m'éduquant aux dépens des adultes, les adultes essayaient de m'éduquer aux dépens de moi. C'est le monde. Alors mes parents m'avaient expliqué que je devais apprendre à aimer les bonnes choses de la vie. Et moi, j'étais encore un peu niaiseux, je n'étais capable que d'aimer ce que j'aimais. Il fallait que j'apprenne à aimer les bonnes choses de la vie. Alors, un jour, je leur ai dit, donc, je devrais apprendre à fumer. Parce que mon père fumait la pipe et le cigare. Ma mère, elle s'essayait de temps en temps pour fumer de la cigarette. Et puis là, on m'a dit, non. Quand tu seras plus grand, parce que c'est mauvais pour la santé pour les enfants. Alors, je me suis dit, quand je vais être plus grand, j'aurai plus de poumons. Et ils m'ont dit, non, c'est pas ça. Quand tu vas être plus grand, ce sera pas dangereux, mais quand tu es jeune, ça empêche de grandir. Alors, je leur ai dit, j'ai lu que certains adultes recherchaient les élixirs de jouvence pour ne pas vieillir. Alors, si on fumerait quand on est jeune, on ne grandirait pas. On ne vieillirait pas. Et puis là, à chaque fois que je posais des questions, je me faisais dire que j'étais simplement un peu plus con que je pensais. Alors, un jour, je vais à l'école et puis je fais un examen en morale ou en sciences religieuses, je ne sais plus trop, il n'y a plus de science. On était les cobayes. Et puis là, c'était de faire un rapport et d'expliquer ce que nous pensions. Non, c'était pas ça. C'était expliquez-moi sur une feuille de papier pourquoi vous aimez Dieu. Alors, j'ai expliqué sur une feuille de papier pourquoi j'aimais Dieu, en deux lignes. Et puis, j'ai eu zéro. Alors, j'ai expliqué au professeur que la question était mal posée. Il aurait fallu qu'il dise expliquez. Moi, ce que moi, en tant que prof, pourquoi j'aime Dieu? Alors là, j'ai dit, si c'était ton opinion que tu voulais, je te l'aurais écrit. J'aurais 800 sur 100. Tu demandes la mienne, je l'écris, j'ai zéro. Même un individu qui n'a pas d'opinion à 100%, lorsque c'est son opinion, n'a pas avoir d'opinion. Alors lentement, je découvrais de plus en plus que le monde était peut-être pas ce que le monde voulait que le monde soit. Je me promène en Gaspésie avec mes parents, je suis pas trop grand, et puis ils regardent le rocher percé. Rien de plus con que regarder un rocher qui a un trou dedans, entre vous et moi. Et puis là, ça prend des photos, c'est plein de touristes qui viennent prendre des photos du rocher percé. Il y en a qui louent des bateaux pour traverser le trou du rocher percé. Bon, c'est comme il y en a qui vont voir un poteau de l'Hydro-Québec en France, à Paris, ça s'appelle Tour Eiffel. Bon. Alors, ils regardent le rocher percé, ils sont tous emballés, ils sont tous extraordinaires, c'est génial, c'est ci, c'est ça. Il y en avait un autre avant, un autre trou, puis il y en avait un autre, puis ça a tombé, puis bon. Moi, ça me faisait penser au vieillissement. Mais les adultes veulent attraper là-dessus. Alors, je trouve que le rocher percé est laid. Et là, on me dit que je ne sais pas apprécier les bonnes choses de la vie. C'est pas laid, c'est beau. Crème, c'est le rocher percé. Faut pas être laid. C'est beau. Et j'ai grandi lentement en apprenant à trouver les choses belles. Alors, lorsque je regardais un paysage et que je le trouvais beau, les adultes souvent faisaient... Lorsque l'on regardait la photo du paysage, une photo prise, ben là, tout le monde était prêt à l'acheter. Et ça me faisait penser à un texte que j'avais lu d'un Indien, qui avait écrit ça. C'était, il rencontrait l'homme blanc dans des demeures. Et l'homme blanc vivait dans des maisons de pierre, de briques, de ciment. Et lui constatait que l'homme blanc avait été ramasser les cailloux dans les champs, sur le bord des rivières. Il avait même creusé les plaines au complet pour ramasser des cailloux. Il les dynamitait, il les concassait pour en faire de la poudre, pour le remodeler en ciment pour en faire ses maisons. Et il ne pouvait apprécier la valeur de la nature que sur un tableau de peinture. Et cette valeur, cette appréciation, était une appréciation en dollars. Alors, lentement, je me disais que le monde de l'adulte, le monde de l'homme, était peut-être une illusion. C'est-à-dire que la perception que l'homme avait du monde était peut-être fausse. Peut-être que finalement, le ciment ou la roche, c'est la même chose. Mais peut-être aussi que finalement, un arbre, ce n'est ni beau ni laid, c'est un arbre. Et peut-être que l'homme, dans sa psychologie, peut-être que l'homme, dans sa structure d'évolution, dans la fuite qu'il a, qu'il exprime continuellement, il fuit l'ignorance, il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas qui il est. Et il a la souffrance, souffrance physique, souffrance psychologique, et je me suis dit que peut-être, pour fuir ces choses-là, l'homme avait inventé la beauté. Et la beauté, je l'ai retrouvée un peu partout sur la planète. J'ai rencontré des Noirs, des Haïtiens, qui trouvaient, les femmes haïtiennes trouvaient cet homme haïtien très beau. Moi, je le trouvais très laid. J'ai rencontré la beauté dans d'autres peuples où on trouvait que telle Chinoise ou tel Chinois était très beau. Moi, je le trouvais laid. Et de temps en temps, bien, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes arrivaient avec du nouveau linge, des nouveaux souliers, une nouvelle auto, puis on me demandait comment je trouvais ça. Et j'ai appris qu'il fallait que je trouve ça beau. Alors, je trouvais ça beau. Je le leur disais. Et à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un que c'était beau. J'étais un peu plus grand, adolescent. Et il est parti, et tout le monde lui a dit que c'était laid. Alors, il est revenu, puis là, il m'a donné des... m'engueuler parce que je lui ai dit que c'était beau. J'aurais dû lui dire que c'était laid. Bon. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est une planète. Le monde, c'est un système solaire. Le monde, c'est une galaxie, la Voie lactée. Le monde, c'est un univers. Le monde, c'est peut-être aussi un super-univers. Le monde, c'est peut-être aussi une création. Et le monde, c'est peut-être aussi quelque chose extra-créationnel qui englobe la création. Et le monde, c'est peut-être encore quelque chose de plus loin. Mais il y a un problème que j'ai constaté dans cette mécanicité de l'illusion. C'est que l'homme, fondamentalement, chaque cellule ne peut connaître... ne peut se connaître elle-même qu'en se comparant aux cellules qui l'entourent. Chaque corps humain, chaque psychologie, chaque être humain ne peut se connaître qu'en regardant à l'extérieur. Alors il peut dire « je suis un homme » ou « une femme ». Alors il peut dire « je suis grand » ou « petit ». Alors il peut dire « je suis intelligent » ou « stupide ». Il peut dire « je suis beau » ou « laid ». Et c'est là le problème. Il peut dire « je suis beau » ou « laid » en comparant. Il se parle de conneries. Et il peut maintenant décider. Alors, l'homme sait qui il est par rapport aux autres. Je m'en vais dans une école et je suis assis sur mon banc. Et le professeur de mathématiques dessine un paquet de bébelles sur le tableau. Et après 20 minutes, j'ai tout compris. Et c'est un cours qui est relativement long. Et après une heure, les autres élèves n'ont pas compris. Alors, je suis donc intelligent. L'année d'après, je vais dans une classe en anglais. J'étais le seul qui faisait des coups tellement hypocritement que le professeur d'anglais précédemment ne m'avait jamais attrapé. Alors, il pensait que j'en faisais pas. Pour me récompenser, il m'avait placé en enrichi à l'époque en anglais. Mais je ne parlais pas anglais pantoute. Mais je savais dire yes, no, puis you're stupid. Bon. Alors, je me ramasse en enrichi dans une classe où tout le monde parle en anglais un peu. Le professeur commence en disant, cette année, nous allons apprendre l'anglais, nous allons parler l'anglais toute l'année. Pas de français dans la classe. J'ai voulu sortir. Pas voulu. Et là, comparativement aux autres, j'étais une cruche. Alors, je me posais la question, comment puis-je savoir qui je suis? Parce que dans cette classe, je suis un génie, et dans cette classe, je suis un imbécile. Qui suis-je? Et lentement, parce que là, l'être humain ne peut pas se connaître sans se comparer à autrui, il invente un monde d'illusions, un monde de beauté et de laideur, de grandeur et de petitesse, de perfection et d'imperfection, de ceci et de cela. Le bien et le mal, entre autres. Vous pouvez vous connaître en observant ceux avec qui vous vivez. Vous pouvez vous connaître en observant ceux avec qui vous travaillez. Vous pouvez vous connaître maintenant en observant la télévision, les personnes. Ceux qui sont d'accord avec vous, maudits qu'ils sont brillants. Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, maudits qu'ils sont niaiseuses. Et là, on pense, dans le monde, se créer une place pour soi. Une place pour soi qui est valable tant que la structure sociale ne change pas trop. Je suis très intelligent dans ma classe, mais quand la gang de cons qui me permettent d'être intelligent, parce qu'ils étudient plus que moi, commence à me gagner dessus, je me sens tomber dans un gouffre qui finalement finira par m'engendrer chez moi l'idée que je n'ai plus de valeur. Vous ne pouvez connaître les autres villes que par votre ville. Alors, je vais à New York. Ouais, mais c'est mieux à Montréal. Ben non, ah ben c'est mieux ici. Sinon, comment voulez-vous qu'on connaisse New York? Et comment voulez-vous qu'on connaisse Montréal? Je peux connaître les autres quartiers si je connais le mien, mais je peux connaître le mien si je connais les autres quartiers. Et je peux connaître les Haïtiens si je me connais. Et nécessairement, je vais apprendre à me connaître en côtoyant des Haïtiens, ou des Vietnamiens, ou des Français, ou des Anglais. Le problème, c'est que nous savons qui nous sommes exclusivement parce que nous nous sommes comparés à quelque chose d'autre. Je pense que m'a engagé pour travailler chez moi. Bon. Je ne peux pas connaître d'autres pays si je ne connais pas le mien, et je connais le mien en connaissant les autres pays. Lorsque l'être humain dit « Tout va bien dans le meilleur des mondes », c'est parce qu'il n'a jamais été sur une autre planète. Peut-être qu'il dirait « Tout va mal dans le pire des mondes ». Et on en arrive aussi à l'évolution, à l'illusion qui nous fait penser que nous avons des degrés d'évolution. À l'illusion aussi qui nous fait penser que nous sommes des minus, des déchets, des entités apparemment potentiellement lumineuses, qui à un moment donné ont fait une chute parce qu'ils ont bouffé une pomme, puis sont ramassés sur la terre en même temps que sa mort ou en même temps que la pomme. Mais comment pouvons-nous prétendre que nous sommes finalement les serviteurs de Dieu si nous n'avons jamais rien eu pour comparer ce que nous étions? Comment pouvons-nous prétendre que nous sommes ceci ou cela si on ne peut pas comparer? Et le gros problème, devons-nous comparer pour se connaître? Alors, lorsque nous regardons un arbre, comparant notre vision à notre mémoire, donc aux autres arbres que nous avons déjà vus, nous pouvons maintenant savoir, apparemment, si l'arbre est bon ou laid, si c'est un grand ou un petit pin, s'il est gros ou mince. Alors, nous pouvons savoir, finalement, si tel humain est intelligent ou si tel autre est stupide. Mais le problème, et il y a un bonhomme qui a déjà dit ça dans le passé, c'est que le borgne, celui qui manque un œil, est le roi chez les aveugles. Mais il est luminus chez ceux qui ont deux yeux. Et toute notre stabilité émotive, toute notre stabilité psychologique, toute notre stabilité évolutive est basée sur les taux de cul. Toute notre stabilité est basée sur les faibles. Toute notre stabilité évolutive, émotive, psychologique, même technologique, même sociale, est basée sur ce qu'il y a de plus pire. Jamais sur ce qu'il y a de meilleur. Sauf qu'on veut se plaindre. Alors finalement, il y a une illusion dans le monde. Et qu'est-ce que c'est que l'illusion? L'illusion, certaines personnes disent, l'illusion c'est comme un mirage. Tu te promènes dans le Sahara et puis à un moment donné, il y a une ville qui apparaît devant toi. Enfin, tu la vois apparaître lentement au fur et à mesure où tu t'approches. Et quand tu en arrives trop près, elle disparaît. Est-ce que c'est ça l'illusion? Si c'est ça l'illusion, on peut donc considérer que le bonheur, c'est une illusion. Que la paix, c'est une illusion. Que la joie, c'est une illusion. Et que toutes ces mécanicités sont des illusions. On peut même dire que Dieu est une illusion. Depuis quelques milliers d'années, pas 2000 ans, ça commençait bien avant l'apparition du Christ. Depuis des milliers d'années, l'être humain recherche Dieu et finalement, ça vous revient plus tard. Assez qu'on en a fait une religion où on dit « Quand vous serez mort, vous le verrez. » Mais tuez-vous pas, péché mortel. Alors si le mirage n'est pas l'illusion, alors Dieu n'est pas une illusion. Alors la joie n'est pas une illusion, le bonheur n'est pas une illusion, la paix n'est pas une illusion. Mais l'être humain qui évolue, chaque fois, il a une idée. Vous avez une idée de ce que vous recherchez. Une idée qui peut être vague, parce qu'elle provient des idées de tout le monde. une idée collective, une idée sociale, une idée religieuse. Peut-être qu'on a aussi une idée plus claire. Mais chaque fois qu'on vient pour l'atteindre, elle disparaît puis elle se retrouve plus loin en avant. Alors, à un moment donné, on pense qu'en faisant, en fondant une famille, on aura certaines choses. Quand la famille est fondée, on le vit un peu. On le vit 2 semaines, 1 mois, 2 ans, 10 ans peut-être. Et puis, à un moment donné, plus là. Et on doit se remettre à la recherche. Et le problème de l'homme qui vit dans cette illusion de comparaison, c'est qu'avant qu'il connaisse l'amour, il ne souffrait pas d'en manquer. Alors qu'il l'a connu, là maintenant, il va courir pour la chercher. Il ne marchera plus. Et c'est la même chose pour n'importe quoi. J'ai déjà dit que le premier papillon que vous avez vu lorsque vous étiez jeune, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, vous pilez dessus sans même les regarder. Pourquoi? Parce que vous en avez tellement vu que plus rien est là. La première fois qu'un médecin fait une autopsie, enfin une dissection, bistouri, il coupe en zigzag. C'est pas parce qu'il veut, c'est parce qu'il tremble. Bon. Après 200, 300, 400 opérations, il coupe en ligne droite en jasant avec l'autre. À la longue, parce que nous comparons, nous finissons par créer des fossés entre la réalité, le monde, et notre perception de la réalité. Et il en arrive que l'être humain, pour fuir bien des choses, a engendré tout à l'heure, je l'ai dit, et je le répète, un monde de beauté. Le bonheur est une invention de l'homme, une illusion. Je dis cela, bon, on verra si c'est ça ou pas ça. Mais des fois là, si ça rend des gens malheureux, c'est que j'ai raison. Bon. La paix aussi, on la recherche depuis combien de temps? Les Romains l'ont cherché, les Égyptiens l'ont cherché. Les Mongols l'ont cherché, les Japonais, les Chinois l'ont cherché, les Français l'ont cherché, l'Angleterre l'a cherché, le Portugal l'a cherché. Et l'Allemagne l'a cherché, l'Amérique la recherche, le Canada la recherche. L'Australie la recherche, tous les peuples de cette planète la recherchent et toutes les humanités antérieures l'ont recherché. Et on continue, malgré, imaginez-vous, nous faisons une loterie planétaire. Ça coûte 200 000 $ le billet et ça vous demande 20 ou 30 ans d'économie pour l'acheter. Et vous l'achetez. Parce que le prix, c'est le bonheur. Après des milliers d'années, jamais l'histoire ne dit qu'il y a eu un gagnant. Et vous continuez à acheter des billets de loterie. Si ça se passerait dans la réalité actuelle, l'Auto-Québec, bien, vous achetez des billets de loterie, mais les gagnants, on n'en parle jamais. Puis quand on veut chercher à savoir s'il y en a eu, on se fait répondre, les voies de la loterie de l'Auto-Québec sont impénétrables. Alors, on va vous dire, oui, tu gagnes et c'est placé dans un coffre en banque quelque part, et puis un jour, tu vas te ramasser là et tu en bénéficieras. Le problème, c'est que ceux qui meurent pour en bénéficier ne reviennent jamais pour nous dire s'ils en ont bénéficié. Et malgré que nous avons toujours la preuve que l'Auto-Québec ne donne jamais ses prix, nous continuons à acheter les billets de loterie. J'appelle cela de l'illusion. Cette illusion, elle est intéressante. Elle engendre l'espoir. Et l'espoir, elle est intéressant. Il permet à l'humain de supporter le fait qu'il ne gagne jamais. Tous les peuples, toutes les sociétés ont recherché ce que nous recherchons encore aujourd'hui. Ils ont recherché premièrement le contact avec un Dieu. Apparemment, certaines personnes du passé ont eu un contact avec un Dieu. Il y a même eu des guerres entre les dieux, cela a engendré des guerres entre les hommes pour les dieux, des guerres saintes, des guerres religieuses. Le Troisième Reich était une guerre religieuse. Et s'il y a une guerre mondiale dans l'avenir, elle sera aussi une guerre religieuse. C'est au nom d'idéologie, et d'idéologie soit anti-théologique ou soit totalement théologique. Le problème, c'est que la structure complète de la société dans laquelle nous vivons, société théologique, émotive, psychologique, morale, sociale, enfin bref, la société de A à Z, est basée sur une mécanicité qui nous permet d'espérer, qui nous permet de travailler pour trouver, mais qui apparemment nous interdit de trouver. Alors, on peut se poser la question, c'est une question que je me suis posée quand j'étais jeune, je l'ai posée à ma chatte, elle ne m'a pas répondu, elle s'est endormie. Si le but ou le rôle de l'homme était d'essayer de devenir heureux, mais pas d'être heureux. Si le but de ma vie ou de la vie de l'homme était d'essayer d'évoluer, mais pas d'évoluer. Si le but de l'homme était d'essayer, mais pas d'aboutir. Bon. Elle s'est endormie. Ma chatte. Alors, à un moment donné, j'étais couché dans mon lit, n'est-ce pas? C'est des choses qui sont... qui arrivent. Et puis, j'ai fait un rêve. J'étais jeune, j'étais en 1960 et je ne sais plus combien. Et puis, j'ai fait un rêve où je rencontrais deux personnages qui arrivaient avec une barbe blanche, cheveux blancs, une guenille blanche, bon. Alors, ils viennent me voir et puis ils me disent, « Daniel, tu es prêt à comprendre le but de la vie de l'homme? » Il y en a-tu un? Alors, tout s'est transformé au complet et on est apparu quelque part, une espèce de jardin. Et puis, il y avait un lac. Et dans le lac, il y avait des fleurs qui flottaient dessus. Alors, il y a un grand vichou qui me dit, ça, ce sont des nénuphars. Les nénuphars de notre pays, on les appelle des lotus. Là, Tintin et le lotus bleu. J'étais jeune. Alors, il me dit, vois-tu, c'est que le nénuphar, il pousse dans le fond de l'eau. Alors, lentement, il monte. Et il y a 300-400 nénuphars qui commencent à monter et à pousser. Et ils ont un seul but. Sortir de l'eau pour s'étaler au soleil. Alors, ça pousse, et ceux qui n'arrivent pas à monter assez vite, finalement, meurent, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de soleil, de rayons ultraviolets, de lumière. Lui, il appelait ça de l'intelligence. Moi, je ne comprenais rien. Bon. Et lentement, il y en a qui vont traverser une partie de la brume de l'eau et vont mourir, et d'autres vont continuer à monter, et quelques rares vont traverser la brume totale de l'eau pour s'ouvrir au soleil. C'est pourquoi, chez nous, le lotus est un symbole de sagesse. C'est au bout. Félicitations. Alors, il me dit, maintenant, tu vas visiter quelque chose. Bon, en rêve, ça ne coûte rien. C'est visitant. Alors, les deux bonhommes qui ne marchaient pas à terre, mais qui flottaient, me font rentrer. Il y a deux grosses portes qui s'ouvrent, une espèce de grande bâtisse en pierre rouge. Et puis, on rentre là-dedans. Et puis là, je vois un paquet de monde qui ont l'air heureux, qui flottent sur des nuages. Ben, il n'y a pas de nuages, mais en tout cas, ça flottait. Ah, il y a des gens qui ouvraient un panier, puis là, ben, les semences, ça se garochait tout là-dedans, puis ils fermaient le panier, puis le panier suivait, puis ça allait bien, en tout cas. C'était pas mal bien. Je me rappelle pas trop si les vaches se traillaient eux-mêmes, mais en tout cas, c'était pas mal original. Et puis, il me dit, ça, c'est le bonheur de l'homme. Je lui dis, ouais, j'ai souvent entendu parler des adultes et effectivement, ça ressemble au bonheur de l'homme. Parce que là, je viens de voir quelqu'un traverser le mur. Et je connais beaucoup de personnes, moi, qui font comme métier voleur, qui aimeraient ça. Je vois des gens, ce que j'ai vu là, c'était, mais ça vibrait. Très intéressant, très, très, très, très intéressant. Alors, j'ai dit, oui, je constate, c'est le bonheur de l'homme. Tous les humains de la planète, enfin, ceux que je connais, le peu que je connais, même mes professeurs, recherchent ce qu'il y a ici. Et je lui dis, mais il y a une chose, c'est que ça semble ennuyant. Et il me dit, oui, c'est un des problèmes du bonheur. C'est que ça crée l'ennui chez l'homme. La chaque fois que l'homme est heureux, après 2, 3, 4 semaines ou mois de bonheur, il s'ennuie. Et pour détruire l'ennui, il détruit le bonheur et il recommence maintenant à rechercher le bonheur parce que ça, au moins, ça lui donne l'impression qu'il vit. Il ne s'ennuie pas. Alors, je dis à ce bonhomme, toi, est-ce que tu as trouvé le bonheur? Pourquoi crois-tu que j'ai été te chercher dans ton sommeil? Alors, je lui réponds, c'est parce que tu t'ennuyais. Il me dit, c'est ça. Alors, je lui dis, est-ce que le bonheur est une illusion? Parce que le bonheur, il existe. Mais quand on le trouve, on ne le perd pas, on le rejette. Et plusieurs personnes ont même maintenant tellement connu le bonheur qu'ils en ont peur. Ils ne veulent plus trop être heureux. Parce qu'à un moment donné, le bonheur va être rejeté par leur inconscient, par leur conscient, mais apparemment, ils ne l'auront plus. Ils vivront l'ennui. Alors, je demande au bonhomme, à quoi sert la vie? T'es tant qu'à être là. J'avais déjà lu des livres qui avaient des sages, des guides, des maîtres, des notes-voix. Puis là, j'en avais un, j'en ai profité, moi. Bon. De temps en temps, je fais mon séminaire, puis je dis aux gens, quand vous avez des questions, posez-les, puis les gens me répondent toutes. Mais c'est drôle, je n'avais plein avant d'arriver ici, puis là, je n'ai plus. Mais moi, j'étais assez brillant. Et je n'avais plein avant, puis quand il était là, je n'avais plein pendant. Il y a eu des questions assez qu'à un moment donné, il a disparu. Pouf! Plus de maître. Mais ça, c'est à cause de mon père. Parce que c'était là d'aller à l'école, puis il m'a réveillé. Bon. Alors donc, je pose la question à ce phénomène blanc. Et je lui demande, quel âge as-tu? Il me répond, dans ton pays, si les sages sont vieux, tu me vois vieux. Je dis, moi, je te vois tellement vieux, j'ai peur que ta peau tombe. Alors, je lui pose encore la question. Donc, si dans mon pays, les jeunes seraient sages, je te verrais jeune. Il dit, oui. Alors, je marchais dans l'illusion. Alors, ça m'a fait plaisir de le voir jeune, et il est devenu jeune. Et je lui demande, quel âge as-tu? Encore. Et il me répond que ça n'a pas d'importance, l'âge. L'âge est un facteur de comparaison. Si un texte est écrit par une personne et que le texte paraît intelligent, tout le monde va le trouver intelligent. Mais on demandera quand même la question, celui qui a écrit le texte, est-ce qu'il a un diplôme? Et si c'est non, la moitié des gens qui ont trouvé le texte intelligent vont maintenant le trouver con. Et on demande quel âge a la personne qui a écrit. Et si on met 12 ans, l'autre moitié va commencer à souffrir et à douter. Et les quelques rares qui vont rester vont penser, vont crier au miracle. Et c'est le problème de la comparaison. Alors, je me suis réveillé, j'étais à l'école, bon. Et puis, je suis revenu me recoucher en espérant bien que je rencontrerai encore ces fichous. Je leur ai demandé leur nom, puis ils m'ont dit que c'était pas important. Ils m'ont dit, baptise-moi, puis je ferai ça. À travers cette évolution du monde de la mort, bref, dans certains, dans les mondes parallèles, parce que finalement, c'est le monde astral, c'est un monde parallèle, j'ai rencontré des personnages, des personnalités, et je leur posais ce genre de questions. Et finalement, aucune de ces personnalités, même de ces grands maîtres, enfin de ces grandes fumées, n'était capable de me répondre. Quel est le rôle de l'homme? Et quelle est l'illusion? Où est la limite de la réalité et où commence l'illusion? Le bonheur, il existe, mais ce n'est pas ce que l'homme recherche, mais c'est ce qu'on lui a instruit de rechercher. Parce qu'en recherchant le bonheur, il marchait sur un chemin et il aurait refusé le chemin s'il aurait connu le chemin. Autrement dit, j'achète un camion, une petite cantine mobile, et puis là-dedans, je fabrique des choses que vous allez adorer. Et je place ma cantine à Saint-Hyacinthe. Et puis là, vous avez faim. Et puis, vous avez du goût. Vous avez appris à développer le goût. Vos parents vous ont instruit à aimer les bonnes choses. Les bonnes choses que normalement l'adulte aime, c'est les choses que l'enfant crache quand on commence à y en donner. Bon, première fois, j'ai pris d'alcool, je me suis étouffé. Première fois, j'ai essayé de fumer, je me suis étouffé. Puis finalement, c'est les bonnes choses de la vie pour bien des gens. Bon. Alors, les personnes vont maintenant cheminer pour rejoindre ma cantine. Elle s'appelle Bonheur. Quand les gens arrivent, ils goûtent un peu la bouffe, ils se couchent, puis le matin, ils se réveillent, qu'elle n'est plus là. Là, il y a la deuxième carte là, du jeu de trésor. Là. Puis là, elle dit, cantine, déménager telle place. Et là, les gens, ils repartent. Ils repartent après la cantine. Là, ils retrouvent la cantine. Certains la voient au loin, mais ça le prend tellement de temps qu'elle est repartie avant qu'elle arrive. Mais finalement, la cantine, elle les amène à Québec. Elle les amène à Rivière-du-Loup, elle les amène en Gaspésie, voilà le rocher percé. Elle les amène quelque part. Mais si les gens auraient tout compris qu'ils devaient marcher jusqu'au rocher perché, ah ben là, ils auraient dit, laisse faire un instant, hein? Hey, imaginez-vous, on aurait dit à l'homme, le royaume des cieux est proche! 30 000 ans! Vous savez qu'est-ce qui serait passé? Alors, on dit le royaume des cieux est proche. Checkez-vous. Ah, pendant 30 000 ans, l'homme se check. Et finalement, cette souffrance, cette illusion, cette cantine mobile, c'est le problème, c'est qu'elle est mobile. Alors, à un moment donné, on est tanné, mais alors là, on en a. Alors, on décide, 1786, fin du monde. Ah, pas mal. Là, on en parle, tout le monde se réunit. Ben, tout le monde, quelques-uns. Là, on s'en va sur une montagne avec plein de bananes, on bouffe des bananes, on attend les extraterrestres, c'est la fin du monde, 1786. En 1787, on dit, on s'est trompé. C'est en 1827. Puis finalement, les prophètes meurent. Dernièrement, je magasinais dans une librairie, il y avait un livre. La grande catastrophe de 1983. Moi, c'est le genre de livre que j'adore lire en 88. Là, il explique la fin du monde au complet, les catastrophes, les raz-de-marée, la conjonction planétaire. Tout. ce que vous devez savoir. Publié en 82. Tout ce que vous devez savoir. En 88, c'est plaisant. Mais il y a une chose. C'est que l'homme a à peu près toujours raison lorsqu'il prévoit des choses. Le problème, c'est qu'il est très impatient, autant dans la réussite que dans l'apocalypse. Il a hâte que ça vienne. Mieux vaut mourir et pas avoir eu raison, tu as eu que de continuer à vivre et pas avoir eu tort. Alors en 86, fin du monde. Alors en 82, en 69, en 56. Il y a des maîtres usés qui vont dire « Réunissons-nous et prions! » Puis comme le lendemain, ça n'arrive pas, ben c'est grâce à nous. Puis si ça arrive, ben au moins, en tout cas. Mais toute cette mécanicité, elle est utile. Sauf que quand l'être humain se conscientise un peu plus, lorsque l'enfant commence à grandir, il pose des questions de plus en plus dangereuses pour ses illusions. Alors, il jette des illusions à terre. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il jette un mur d'illusions, il pense être dehors, mais c'est un autre mur, différent, une autre illusion. Et lorsque je dis la réalité de l'illusion, cela sous-tend l'idée que l'illusion est réelle. Donc, une personne ici dit « Hey, je vois un chien lumineux ». Bon, alors je demande « Voyez-vous le chien lumineux ?» Tout le monde dit « Non ». Ça ne veut pas dire que le chien n'existe pas. Il a peut-être raison. Il y a peut-être un chien. Et les autres vont dire, ben voyons donc, c'est une illusion. Oui, c'est une illusion. Mais l'illusion, elle est réelle, mais imperceptible pour ceux qui vivent de la comparaison. Comparant mes yeux aux tiens, je dis, je ne vois pas. Mais parce que l'ensemble des humains ne voient pas, comparant nos yeux aux tiens, t'es le con. Plus simple. L'illusion, c'est un phénomène qui existe, qui permet à l'être humain d'avancer de cantine mobile en cantine mobile vers quelque chose. Mais le mobile de la cantine n'est pas connu. C'est le problème. Alors, l'être humain qui est capable de supporter un petit peu d'ignorance, c'est-à-dire l'être humain qui a la faculté de poser des questions neuves, et de supporter la question même s'il n'a pas de réponse. L'être humain qui se conscientise, donc l'être humain qui évolue, l'être humain qui avance individuellement, pas l'être humain qui suit la collectivité. Celui qui arrive à se poser les questions et à se les supporter les questions, même s'il n'a pas la réponse. Celui-là se détache déjà de l'illusion. Alors, est-ce qu'il y a un monde d'illusion qui s'adresse à certains phénomènes évolutifs humains et est-ce qu'il y a un monde de réalité dans lequel, peut-être, certaines personnes pourraient arriver à marcher? Eh bien oui, il y a une réalité. Une réalité qui englobe l'illusion. L'illusion est réelle. Elle est donc englobée par la réalité. Mais le problème, c'est la perception de la réalité. Le problème, c'est qu'il y a dans l'homme différents mondes parallèles, c'est-à-dire qu'il y a différentes expressions similaires à travers un même continuum de temps, un événement, c'est-à-dire que vous êtes capable de souffrir physiquement et psychologiquement, deux mondes. Ce n'est pas la même souffrance. Les deux peuvent s'interrelier parce que la psychologie, psychose veut dire âme, parce que l'âme étant reliée par un plan à l'énergie vitale au corps physique, nécessairement l'âme est au courant. Alors on peut ne pas aimer souffrir physiquement. Mais j'ai déjà fait une démonstration, il y a quelqu'un qui m'interviewait, d'ailleurs j'ai pu l'interviewer à cause de ce genre de démonstration. Alors il était assis et puis je lui parlais de la peur. La peur, je lui disais que la peur c'était un phénomène psychologique et un phénomène de mémorisation. La peur, ça n'existe pas, ça fait partie du monde de l'illusion. Et puis là, bon, croyez pas. Ben je sais qu'il ne faut pas qu'il me croie, mais l'affaire qu'il faut qu'il comprenne. Alors j'avais une petite aiguille, je prends l'aiguille, je lui pique dans la main. Oups. Et là je lui demande, t'as-tu peur? Il dit, non mais j'ai mal. Voilà la nuance. Si je t'aurais averti, tu aurais eu peur. Alors que la peur ne fait pas mal. Alors que la peur, c'est rien. Alors que la peur, c'est l'appréhension. Alors que la peur, c'est une projection de ce que tu refuses dans un avenir. Alors que la peur, finalement, t'aurait simplement fait souffrir avant même de souffrir. Vive la peur. Là, je remonte l'aiguille. Je vais recommencer. T'as-tu mal? Il dit non, mais j'ai peur. C'est ça. Tout à l'heure, il n'avait pas peur, mais il avait mal. Alors, j'ai posé l'aiguille à côté. T'es bien content? J'ai reculé ma chaise. J'ai donné de temps en temps, l'homme veut se venger. Je n'avais pas peur, j'étais prudent. J'avais pas peur, j'avais pas mal. Bon. Le monde de l'illusion. Le premier qui a mené ce concept a dit à l'être humain, le monde est une illusion. La matière solide, elle est molle. Fait que là, le premier gars qui est passé par là, qui ne comprenait rien, matière solide, c'est molle, paf, dans le disciple. Puis le disciple sur le dos. Là, on a, il a dit, matière solide, solide. Le molle tombe. Alors, on a banni l'idée de l'illusion. Mais l'astrophysique, elle décode de plus en plus qu'effectivement, quand on a découvert l'atome, ça commençait à ramener l'idée que peut-être la matière n'est pas si comme on pense qu'elle est. Lentement, l'astrophysique a pénétré le système de l'atome et lentement, on en arrive à décoder qu'il y a tellement de trous à travers la structure matérielle que justement, un neutron, une radiation peut la traverser. Les ondes radio traversent les murs et traversent tout ce qu'il y a là. Comment ils traversent? Ils passent des trous. Simplement. Alors, il y a une longueur d'onde. Là, je la dessine un peu grande, puis il y a un trou dans la matière. Fait qu'elle passe dedans. On bâtit une maison et on allume une radio dedans. Et la radio capte les ondes. Alors, on s'en va en pleine forêt et on bâtit une cabane, un dôme. On met la radio dedans et on l'allume. On est derrière les montagnes. Qu'est-ce qu'on entend? On entend... Bon. C'est comme certains postes, remarquez bien. Mais qu'est-ce qu'on reçoit? Bien, on reçoit tous les parasites planétaires. Alors, notre dôme, on le recouvre d'une mince feuille de cuivre. Les molécules et les atomes de cuivre sont tellement serrés qu'on ouvre la radio et on n'entend rien. Là, ça ne traverse plus. Là, on peut dormir là-dedans. Là, on vient dormir. Ceux qui ont des fours micro-ondes, il y a une petite grille en avant, en métal. Il y a des trous, mais les micro-ondes sont trop gros. Ils ne peuvent pas passer dans le trou, alors ils rebondissent en dedans. Ça permet à la lumière, le photon, qui a une longueur d'onde plus courte, de traverser. Alors vous voyez ce qu'il y a dans le micro-ondes, mais le micro-ondes ne vous voit pas. Bon. Chance. La matière, elle est pleine de trous. Le gros problème, c'est que la matière pleine de trous, elle est aussi solide que beaucoup d'humains qui sont pleins de trous. Trous dans leur conscience, mais qui continuent quand même à manipuler suffisamment les puissances humaines. Ce n'est pas là l'illusion. On ne doit pas voir l'illusion dans le fait que la matière est bourrée de trous. Si la matière est bourrée de trous, cela veut dire que tout ce qui constitue la silice de ce verre est plein de trous. Donc, que chaque particule de matière ne se touche pas. Et cela est accepté, reconnu et même prouvé par la science. Si ça ne se touche pas, alors comment le verre peut-il rester un verre? Question d'astrophysique qu'on pourrait répondre, mais qui pour l'instant n'est pas intéressante. Tout ce que je sais, c'est que trou pas trou, il y a une illusion dans ma main qui fait que, pour moi, ce verre est rigide, solide. Il contient même de l'eau, que je peux même boire, en profiter. Bon. Alors, je viens de boire un paquet de trous. L'illusion n'est pas là. L'illusion, elle est dans la perception des choses. Elle est dans la valeur émotive que l'on donne à la perception des choses. J'animais une émission de télévision un jour à Chicoutimi, j'ai fait une émission sur un peu sur le phénomène de l'illusion. Et par la suite, je travaillais dans une maison de jeunes et j'étais là, j'ai rencontré quelques parents qui m'ont dit « On aimait bien ça ton émission, là, mais depuis que tu nous as dit que le ciel qu'on regardait, c'était même pas un vrai ciel, Ben là, là, franchement, on veut plus écouter dans l'émission parce que là, on sort dehors puis c'est plate. Parce que je leur ai dit que la lumière voyageait à 300 000 km à la seconde, approximativement. Ce qui fait que si une étoile est à 15 millions d'années-lumière, ça veut dire que si elle explose, ça va prendre 15 millions d'années avant que je le sache. Donc, le ciel que je regarde était peut-être là à l'époque du Nazaréen, même s'il ne l'a jamais vu, mais le ciel qui est là n'existe plus, pas comme il est là. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Ça prend 7 minutes au soleil pour nous éclairer. Alors, si le soleil explose, on va continuer d'éclairer pendant 7 minutes. On va le savoir après. On va le savoir en retard. Alors, si ça prend, si Alpha du Centaure, qui est à 4,3 années-lumière, explose, dans 4,3 années, on va le savoir. Donc, le ciel qu'on regarde, il a bien changé. On voit juste la photo du ciel, mais ce qui est en arrière n'est plus nécessairement là. Et la personne, elle dit, bon, mais maintenant qu'on décode l'illusion, quand je regarde une fleur, c'est une fleur. Donc, c'est ni beau, ni laid, c'est une fleur. Je regarde des nuages, c'est ni beau, ni laid, c'est des nuages. Il peut pleuvoir, il peut neiger, il ne peut rien faire. Mais c'est juste, ce sont des nuages. Alors, la personne avec qui je vis, que j'aime, elle meurt. Eh bien, elle est morte. Voilà, c'est tout. C'est la réalité, elle est morte. Alors, quand l'humain décode qu'effectivement, la réalité ne s'arrête qu'à l'événementiel, que là, il parle, il faut qu'on devienne des robots. Alors moi, je réponds, non, continue à souffrir. Restez humain, quand même. Alors, l'humain dit... Il ne faut plus avoir d'émotion. Ben, l'émotion, c'est ce qui te fait rechercher le bonheur. L'émotion, c'est ce qui fait que toute ta démarche de vie est celle qui est actuellement la vôtre. Pourquoi tu coules à l'école? J'aime pas mon prof. Voilà. L'émotion. T'as pas été un peu fort quand tu lui as donné, quand tu l'as engueulé? Oh ouais, mais là, j'étais hors de mes gonds, j'étais en colère. Ben, c'est ça, l'émotion. « Wow, la belle auto! »« Ouais, t'as pas vu le prix. Mais pourquoi tu l'as acheté? » Ben, l'émotion. Nommez-moi une chose, une condition dans la vie de l'homme depuis que l'homme est homme qui n'a pas été dictée par l'émotion. Même la guerre, toutes les constructions, l'esthétique, les nouveaux matériaux, tout. Il y a des émotions très subtiles que l'on va penser, on peut dire que ce n'est pas une émotion, mais c'est recherché, c'est mémoriel, c'est aussi une émotion. Ça engendre le stress. Le stress, c'est la psychose somatose d'une émotion. Le stress, c'est une émotion qui est exprimée par une voie endocrinienne, et finalement, ça engendre des symptômes que la médecine aime bien. La maladie. Ça permet de vivre. Si l'homme, si la femme, si l'enfant est capable de s'arrêter qu'à la réalité, il ne peut plus souffrir. Et là, s'arrête une grande partie de son évolution collective. L'évolution qui s'adresse, comme je le dis de temps en temps, à l'animal humain, c'est-à-dire à celui qui ne peut évoluer que par la souffrance. Mais le problème, c'est que lorsque l'être humain n'a plus d'émotion, qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez plus aucune émotion, allez-vous avoir du goût? Non plus. Ah, un instant, pas du goût émotif. Alors, vous allez vous asseoir et vous aurez le goût de rien faire. Il n'y a pas d'émotion. Quelqu'un vous appelle, viens-tu, on fait un party. Un party, c'est quoi? C'est l'exaltation des émotions. Ça permet de passer le temps, de cesser de penser et d'exprimer de l'émotion. Ben, tu n'as pas d'émotion. Party. Tu fais de n'importe quoi, puis tu fais yeah! Puis tu t'en fous. Hein? Bon. Pas d'émotion. Est-ce que fondamentalement, l'illusion, qu'est-ce que c'est? L'illusion, c'est lorsqu'une personne trouve une fleur belle. Elle la tue, elle la met dans un bocal, puis elle continue à la trouver belle. Puis quand la fleur est fanée, elle la met aux poubelles, puis elle va en tuer une autre, parce qu'elle aime les fleurs. Elle met ça dans son bocal et elle l'observe. Qu'est-ce qu'elle aime? Ce que la fleur crée chez elle. C'est ça qu'elle aime, pas la fleur. Bon, ceux qui restent avec un gars ou une fille s'appellent la fleur. C'est différent. Mais là, je parle de... Ça, vous me comprenez? Bon. Ah, c'est pas la fleur qu'elle aime. Elle aime ce que la chose fait chez elle. Mais pas la chose. Alors, vous aimez un enfant, vous aimez une personne, mais en photo, vous allez quand même être capable de l'aimer. Ce que vous aimez, c'est ce que sa face, son onde de forme, stimule dans vos mémoires et stimule chez vous. Quand une personne meurt, on pleure. Qu'est-ce qu'il m'a fait sans lui, sans elle? ça. On se fout de lui. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je pourrais plus être stimulé par sa présence. Elle était si bonne. Ben, c'est ça. C'est si bonne. Elle nous faisait rire. C'est ça. Bon. La maison est si vide. C'est ça. Appelez ça. Ça. Tu plais pour toi. Pas pour l'autre. L'autre, non. Hein? On a le corbillard est noir. Pour ceux qui sont dehors. Bon. Ben, c'est un fait. Et là, quand je vois, moi, des adultes qui veulent expliquer à un petit enfant de 2-3 ans que leur grand-parent est décédé, c'est décidé, alors, comment je vais y expliquer pour qu'ils prennent ça bien? L'enfant, il prend ça bien. Mais comment allez-vous être capable de vous arranger pour qu'il souffre, pour que vous le preniez bien, mais qu'il ne souffre pas trop? Parce que vous amenez le petit enfant au salon mortuaire, puis il dit « Ah! Ah, mais c'est au bout, il ne s'ouvrira plus! Wow! » Toutes les adultes qui sont là vont penser à aller voir un psychologue avec l'enfant. Un adulte qui va dans un salon mortuaire, qui regarde la personne qui apparemment elle aimait, puis qui ne pleure pas, tout le monde pense qu'elle ne l'aimait pas. Parce qu'on pense que amour égale souffrance. Ça fait partie de ce que j'appelle l'illusion. Alors, pour supporter le monde de l'illusion dans lequel nous sommes placés, qu'est-ce que c'est que l'illusion? L'illusion, premièrement, c'est l'idée que nous avons un libre-arbitre, alors que nous n'avons qu'un libre-arbitre. C'est quelque chose que j'explique souvent en séminaire, et comme je l'ai déjà dit, ça prend des fois une demi-journée ou une journée complète, mais une fois que les gens ont compris ça, bien, ça les dégage, premièrement, de la culpabilité, hein? Ils ne se sentent pas coupables. Pas toi qui l'as fait, tu n'as pas de libre-arbitre, tu n'as pas le choix. Bon, ça règle déjà un problème. Deuxièmement, on amène le problème du choix, qui est déjà aussi une problématique. La personne, elle veut aller par là, mais c'est là qu'elle va s'en aller. Alors, elle s'accote sur le mur, puis elle s'égratigne toute la face, parce que c'est par là qu'elle s'en va. Bon. Alors, la majorité de l'évolution de l'homme est extrêmement souffrant. Pourquoi c'est souffrant? Parce que vous allez aller là où vous allez aller. Puis quand tu dis, ah ben tiens, m'en aller là, et que ça va bien, ben oui, c'est ça. Parce que là, tu as choisi d'aller où c'est que tu allais. Le problème, c'est que comment pouvons-nous savoir où nous devons aller? Bon, c'est très facile. Il faut commencer par comprendre intégralement que le libre-arbitre est une illusion. Et après ça, on peut comprendre comment aller où ce qu'on doit aller. Alors, l'humain ne veut pas. Ça fait partie de l'illusion. Vous avez tous un libre-arbitre. C'est la seule façon de culpabiliser l'homme, puis culpabilisant l'homme, bien, étant donné que l'homme se sent coupable, l'énergie qu'il a pour grimper et comprendre, bien, il la prend, puis la brûle en se sentant coupable. Tu devrais avoir honte d'avoir manqué l'école. J'ai fait l'école d'asphalte, puis, bon. On disait missionnaire avant, mais plus ça. Combien de fois on se sent coupable? Une grande partie de toute la structure qu'on appelle pédagogique est basée sur la culpabilité. Mais quand la personne comprend qu'elle n'a pas de libre-arbitre, elle va pouvoir commencer à contrôler ou à manipuler ce qui la manipule. Quand tu découvres que finalement tu as un maître qui n'est pas nécessairement intelligent, un maître qui se fout même de toi. Oh, on parle d'un Dieu, le Père, qui nous a créés puis qui nous aime énormément. Ça, j'ai rien contre. C'est intéressant, ça. Moi, ça me plaît. Le seul problème, c'est que dans toute l'histoire, on parle aussi de Lucifer, on parle de Satan, on parle du diable, on parle du démon. Alors, lequel qui me manipule présentement? Peut-être que celui qui me manipule se fout royalement de moi. Et Dieu, pourquoi Dieu n'intervient pas? Bien, s'il a placé en bas, c'est qu'il a créé, c'est intentionnel. C'est aussi parfait que l'homme le prétend. Alors donc, il y a des raisons. Et si je n'ai pas de libre-arbitre, nécessairement, tout ce que je veux entreprendre dans ma vie, je ne l'obtiendrai pas. Je n'aurai pas le corps que je veux, je n'aurai pas les boutons que je veux, je n'aurai pas les opérations que je veux, je ne vieillirai pas comme je veux, je n'aurai pas... Bref, enfin, vous connaissez un peu votre vie, vous pouvez voir, si on a un libre-arbitre, tout le monde est millionnaire. Enfin, tu sais que faire des billets de loterie, c'est pour gagner. Si on a un libre-arbitre, ils gagnent tout. Puis la personne qui gagne, elle s'en attendait pas. Parlez-moi-en du libre-arbitre, moi j'adore ça. J'ai fait de l'ambulance pendant plusieurs années, puis le fait que j'ai ramassé qu'il y avait des accidents, ils ne voulaient pas. On parle du karma. Ben, faut bien expliquer notre libre arbitre par quelque chose, c'est pas rieux. Mais même si on parle du karma, nécessairement, notre libre arbitre, il s'en va. De toute façon, tous ceux qui adorent le libre arbitre, ils disent tout, moi, c'est moi qui ai choisi à me faire tirer aux cartes. Faire tirer aux cartes, c'est connaître ta destinée, niaiseux. T'as pas de libre arbitre. C'est évident. L'illusion, le libre arbitre, engendre la culpabilité chez l'homme, qui est une mécanicité anti-évolutive, une mécanicité stagnante qui permet à l'humain de continuer à souffrir, qui permet à l'humain de continuer à pouvoir se dire « Merde, j'ai manqué la cantine! » Eh oui, on t'a attaché là-bas. Et tu dis « Ben, c'est mon karma. Ben, » c'est ça. Ça, c'est une illusion. Le fait de continuellement devoir savoir qui nous sommes. Qui nous sommes. Savez-vous qui vous êtes? Ben, si vous êtes tout seul, tout nu, en plein milieu du Sahara, vous ne saurez jamais qui vous êtes. Tant qu'on veut rester dans la mécanicité de l'illusion. Mais si on essaie, à un moment donné, de se placer chez soi, expérience intéressante à faire. C'est écrasé dans son lit, quelque part. Pas de musique, rien. Fermer les stars, dans le noir. Même pas se voir. Et puis là, essayez d'oublier les mémoires qui nous constituent. Et là, on pose la question, qui suis-je? Tu dis pas, ben, je suis un policier. Mais non. En plein désert du Sahara, tout nu, en plein sur la lune, t'es un policier. Moi, je dis, franchement, police, tant que tu voudras, mais... Bon. Alors, si on est capable de supporter cette question, on est en train de travailler pour échapper à une grande partie du mensonge cosmique de la vision illusoire. Moi, je n'étais bon à rien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, j'ai toujours coulé à l'école. Ça, c'était des notes comparatives avec autrui. Bon, j'ai pas de job, comparatif avec autrui. Bon, il n'y a jamais de bonne idée, comparatif avec autrui. Tu sais, Christophe Colomb non plus n'a pas de bonne idée. Jusqu'à temps que là, les gens avancent suffisamment pour trouver qu'il y avait une bonne idée. Alors, si on est capable d'être seul, même sans nos mémoires, il va rester quelque chose chez soi. Et si on est capable de poser la question, qui suis-je maintenant? À que rien, là. Bon, je suis un terrien, je viens de me cataloguer dans un tiroir par rapport au reste de l'humanité. Pas un Canadien. Posons la question à que rien d'autre. Et là, l'individu qui ne peut pas supporter trop longtemps cette chose va dire, je suis la créature de Dieu. C'est parce que vous l'avez appris. Ah, c'est la même chose que de dire « Je suis la créature du diable ». Si on vous aurait montré ça, vous diriez ça. Essayons. Peut-être c'est vrai, peut-être pas vrai. Le premier pas pour se dégager de l'illusion, c'est de savoir ce que l'on sait et savoir ce que l'on ne sait pas. Alors, je crois en la réincarnation, je ne le sais pas. Je peux continuer à croire en la réincarnation, mais je ne sais pas. Par contre, je sais que chaque fois que je veux traverser la porte sans l'ouvrir, ça me fait mal. Ça, c'est une réalité beaucoup plus plausible. Je sais que. Alors, je me pose la question, est-ce qu'un jour, je vais traverser? Je ne peux ni répondre non, ni répondre oui. Parce que ça fait partie de ce que je ne sais pas. Et si vous faites le travail d'éliminer de ce que vous avez dans votre conscience, mettre dans un côté tout ce que vous ne savez pas. Donc, toutes les croyances y vont. Toutes les fois y vont. Ça ne dérange rien à rien, mais on le place à côté. Et là, on regarde ce que nous savons. On va effectivement faire un nettoyage de notre conscience. Quand on regarde ce que nous savons. Parce qu'un savon, ça nettoie. Alors, lorsque l'on regarde ce que nous savons, on se rend compte que nous ne savons pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose. Et parce qu'on est stéréotypé par un concept qu'on devrait savoir les choses, on peut alors penser qu'on est petit, minus, minable. Et c'est ce qui a fait que les anciens ont toujours enseigné à l'homme que l'homme était un déchet. Que l'homme avait été créé pour pouvoir... Bon, Dieu s'ennuyait, Dieu avait le bonheur. Alors, Dieu crée l'homme, à son image et à sa ressemblance. Il le place dans un paradis et il met un arbre de la connaissance et un arbre de conscience en réalité. Et il dit à l'homme, ne mange pas du fruit de cet arbre. Évidemment, c'est imagé. Et l'homme a le bonheur. Et l'homme dans le bonheur s'ennuie à un point tel qu'il risque et il mange de l'arbre, du fruit de l'arbre. Et il engendre l'humanité qui, par la suite, va toujours rechercher ce mot du paradis où on va aller s'ennuyer en gang. Alors, il faut qu'on regarde convenablement ce que c'est que l'illusion, ce que c'est que la réalité. Une réalité sûre. Je suis là. Une réalité sûre. Je me pose des questions. Donc, j'ai une conscience. Quelle est sa valeur? Quel est son niveau? Je m'en fous. Répondre à ça fait partie de l'illusion. Parce que si vous êtes le roi, à travers, dans une école où il y a juste des rois, bien, vous allez vous dire, qu'est-ce que je suis? Pour savoir que vous êtes un roi, vous devez aller dans une école où il n'y a pas de roi, où il y a un paquet de peuples. Et là, vous direz, je suis un roi. Alors, c'est le problème. C'est que si on veut décider immédiatement quelle valeur nous avons aux yeux du cosmos, ça crée un problème d'envergure. C'est qu'on risque fortement de se placer trop haut ou trop bas. On risque d'avoir de la grande difficulté à se placer là où on est. Ce n'est pas important où ce qu'on est, mais les gens ont besoin, souvent. Je suis là, j'ai une conscience, je suis capable de parole, je suis capable d'engendrer une cognition vibratoire, c'est-à-dire une compréhension, une connaissance, un savoir instantané, vibration. J'ai rencontré des personnes dans des pays sous-développés qui étaient des ramancheux et qui avaient des yeux rayons X, je ne sais pas comment ils faisaient, mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils organisaient ça comme il faut. On a déjà souvent parlé dans les livres et dans les émissions de télévision des guérisseurs. On a parlé des Philippines comme guérisseurs. Et on va dire, oui, mais c'est une farce. Moi, je m'en fous. Moi, être guéri par une farce ou pas, du moment que je suis guéri, ça m'arrange. Mais au nom de cette illusion qu'est la science, eh bien, on allait vérifier et on disait, c'est un charlatan. C'est même pas du sang humain, c'est du sang animal. C'est même pas bon. Personne n'est revenu guéri. Franchement, il aurait pu laisser le monde continuer à aller se faire avoir là. Au moins, dans nos hôpitaux, ils se font pas avoir, mais ils ressortent malades. Je suis. Alors, est-ce que l'être humain a la faculté? Une chose est certaine, il y a l'univers. Je suis. Je suis là. Donc, en partant, il y a une source, une intentionnalité, il y a une cause, il y a une raison, il y a quelque chose. Suis-je suffisamment patient maintenant pour attendre d'avoir la réponse ou si je ne suis pas suffisamment patient et je vais créer la réponse? Créer la réponse et s'engrener encore dans un monde d'illusions où je vais inventer émotivement ce qui va me soutenir pendant mon voyage vers l'aboutissement. Un oiseau, c'est un oiseau. Un arbre, c'est un arbre. Un dieu, c'est un dieu. Un homme, une femme, un enfant, c'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant. Le temps passe. Il y a eu un temps sur cette planète où vous n'existiez pas. Vous n'étiez pas là. Il y a ce temps-ci où vous êtes là. Et il y aura un temps où vous ne serez plus là. Et pendant le temps où nous sommes là, nous avons une bribe de temps et de matière pour nous permettre d'arriver ou d'essayer de comprendre. Comprendre, ce n'est pas apprendre. Apprendre, c'est prendre les prototypes du passé, les compréhensions des autres, de savoir ou la sagesse que les autres nous ont légué, et faire de cette sagesse la nôtre. Mais le problème, c'est que ce n'est pas évolutionnaire. Si j'apprends que la cantine mobile est à Saint-Hyacinthe, et que je m'assois là et que j'attends, parce que le 2000 ans, elle était à Saint-Hyacinthe, je risque de la manquer parce que maintenant, elle est rendue à Trois-Rivières. Et si au nom de la tradition, je reste assis parce que déjà on m'a dit que, ou parce que dans le passé, cela a été fait, il y a un problème. Alors, les questions qui font référence à l'illusion sont des questions qui permettent à l'être humain de supporter sa condition. L'illusion n'est pas mauvaise. L'illusion, elle est géniale. Lorsque je mange une pomme, bourré de trous ou pas, Lorsque je mange la pomme, je mange une pomme. Je n'ai pas besoin de vérifier philosophiquement ou de m'embarquer dans des problèmes de morale philosophique et de dire, ouais, mais c'est pas une pomme, c'est juste des trous. Alors, si je pense que l'illusion ne sert à rien et que l'illusion n'est pas réelle, je peux m'en référer, je n'ai qu'à aller voir un boxeur et lui demander de me donner un coup de poing, puis ça va me replacer terre à terre. À partir de cette prise de conscience de la réalité, que l'illusion est réelle, je dois nécessairement travailler avec l'illusion. Et si je dois travailler avec l'illusion, cela veut dire que je dois travailler aussi avec la beauté inventée par l'homme et que je dois aussi travailler avec la laideur inventée par l'homme. À un moment donné, on projette un film qui s'appelle « L'homme éléphant ». C'est de la laideur pour l'homme. Un être humain qui est tellement démoli par une maladie que l'on considère qu'il ne peut même pas être intelligent et qu'il ne peut même pas être humain et que finalement, il ne peut même pas connaître l'émotion. Et lorsqu'une personne qui voit avec d'autres choses que ses yeux matériels ou qui voit au-dehors de l'illusion de la beauté engendrée par sa société tombe en amour, en affection avec l'homme éléphant, et l'homme éléphant accepte de lui parler, l'homme éléphant accepte de lui conter les livres qu'il a lus, les poésies qu'il a lues, sa compréhension du monde, et on découvre qu'à travers ce corps physique apparemment bizarre, il y a une beauté autre qui échappe aux yeux de l'homme. On dit dans des textes que le royaume des cieux était celui des hommes de bonne volonté. Et sur la planète Terre, il n'y a que des êtres de bonne volonté. Ils veulent faire le bien, souvent ils le font mal. Il n'y a que des êtres de bonne volonté. Alors on recherche la beauté. Il y a la beauté inventée par l'homme qui a déterminé les paramètres de la beauté. Alors on détermine la mode musicale. Ce morceau de musique, il est beau. 2 ans après, c'est plus à mode. Ce morceau musical, il est laid. Alors on détermine la beauté. Les pantalons avec des pattes d'éléphant, c'est beau. À un moment donné, c'est laid. La mini-jupe, c'est beau. À un moment donné, c'est laid. Les cravates larges comme ça, c'est beau. À un moment donné, c'est laid. Tel genre d'automobile, les ailes, les lumières, les ici, c'est beau. À un moment donné, c'est laid. Et malgré cette illusion avec laquelle on est confiné à vivre, on doit développer un regard qui nous permet de voir une beauté qui n'a pas été créée par l'homme. Et cela fait partie d'un sentiment, une vibration avec une chose. Alors seul celui qui ne voyait pas la beauté créée par l'homme avait la faculté de voir au-delà du corps de l'homme éléphant ce qui l'habitait. Lorsque nous voyons un être humain et que nous jugeons l'être humain immédiatement, on rentre encore dans l'illusion. Lorsqu'on regarde un aigle, l'aigle, souvent l'homme en a fait son symbole, comme les Américains, parce que l'aigle semble sévère. L'aigle n'est pas sévère, il est bâti comme ça. Mais quand l'homme devient sévère, ses sourcils se placent comme l'aigle et on pense que l'aigle est sévère. Encore là, on ne voit pas avec les bons yeux. La réalité, c'est quelque chose de plus formidable que l'illusion. Mais l'illusion, c'est exactement l'eau qui cache le soleil du lotus. Et on pense souvent que parce qu'un jour on va trouver qu'une fleur est une fleur, qu'on va trouver quelque chose de plus laid que la belle fleur. Quand on a la faculté de savoir qui nous sommes, ou de supporter qu'on ne le sait pas, mais en ne se comparant pas à l'extérieur, on est déjà dans la réalité. Et lentement, on va vibrer. On ne saura pas qui nous sommes, mais on va commencer à l'être. On fait une petite pause. Il y a des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, vous écrivez.